Salut à tous et bienvenue sur le canal des Phoenix Knights, la chaîne d'actualité en continu. Donc la première interview, donc c'est Gorokon qui va nous donner ses premières impressions. À toi. Donc t'en penses quoi alors de ce démarrage alors? Bien, pas bien? Pas bien du tout. De mon point de vue et ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est pas une réussite. Pourtant ils étaient à l'heure. C'était à l'heure, ils avaient un retard de 10 minutes. Même si 10 minutes, c'est quand même 10 minutes. Les gens ont payé quand même pour avoir un accès anticipé. Le lendemain, Ouais. une maintenance de serveur, aucune annonce dessus, personne prévenu. Moi, Il y je avait trouve beaucoup pas. de joueurs quand même qui ont pu se connecter à l'heure ou pas, finalement, de notre guilde, hein. Ouais, il y avait quand même un certain nombre. Mais après, t'as eu quelques crashs, donc rebelote, file d'attente et tout. Et je trouve pas ça normal pour une pré-release, un accès anticipé que tu dois payer. Le lendemain, une maintenance de je sais pas combien de temps et aucune information dessus. Je trouve pas ça normal. Ces crash, c'est quoi? C'est des crash serveurs ou des crash clients? On a eu les crash serveurs. Les deux qu'on a eu ce matin, c'est des crash serveurs. Ouais, mais hier, au démarrage, c'est pas des crash Hier. serveurs. Non, hier c'est des crash clients. D'accord, donc du T'avais. coup, on a des joueurs qui sont peut-être des configs pas, qui sont pas forcément adaptés. Peut-être, hein, mais. Ça peut dire que c'était un gros bordel hier. Et qu'à mon Et du avis, coup, c'est pas fini. il y en a pas mal qui ont pu rusher quand même. Oui, il y en a pas mal qui ont posé leur maison. D'accord. Donc, ouais, bah, c'est pas mal. Mais là où c'était prévu, je pense, hein. Y en a certains ouais, qui ont réussi à poser à tout crown, pas de couronne, et d'autres qui ont dû aller poser en zone PVP parce que il n'y avait plus de place quoi. Ouais. Zone PVP, c'est où? T'en as un peu partout donc je sais pas où exactement ils se sont posés. Les îles? Île, je sais pas du tout. Voilà, bah c'était Garocon en direct des studios. Donc je vous retrouve une prochaine fois pour une autre interview. À plus!